Nous sommes autour de l'an 540 avant Jésus-Christ. Daniel prophétise à Babylone, la capitale du royaume des Chaldéens. Nous lisons Daniel 8, versets 1 à 2. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. En cette troisième année du règne de Belshazzar, rien ne laisse présumer la chute imminente de Babylone en l'an 539. Cependant, Dieu voit déjà beaucoup plus loin, puisqu'en ce seul chapitre 8, il va permettre à Daniel de survoler plus de 2 siècles d'histoire, soit les événements situés entre l'an 539 et l'an 331 avant Jésus-Christ. La ville de Suse, à quelques 400 kilomètres de Babylone, n'était guère importante au temps de Belshazzar, mais elle allait devenir incessamment la première capitale de l'Empire perse. Nous pouvons avoir une idée du faste de cette ville royale et de ses palais luxueux en lisant le livre d'Esther. Daniel est donc transporté dans son subconscient à Suse, un peu comme le prophète Ézéchiel a été transporté en esprit à Jérusalem alors qu'il était en Mésopotamie, ou comme l'apôtre Jean sera transporté dans un désert pour y entrevoir la grande Babylone de l'Apocalypse. Qu'il s'agisse de Daniel, d'Ézéchiel ou de Jean, Dieu leur ouvre des horizons nouveaux et inconnus pour qu'ils voient le cadre où se dérouleront les événements qu'ils doivent annoncer. Dans sa vision, Daniel voit le fleuve Ulaï, un affluent de ce que nous appelons aujourd'hui le Chat El Arabe. Mais que s'y est-il passé il y a 25 siècles, à l'époque des Mèdes et des Perses? Lisons Daniel 8, 3. Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Historiens et archéologues l'ont confirmé. Le bélier était l'emblème de l'Empire perse. Il ornait le casque des généraux et il était gravé sur les pièces de monnaie. Dans sa vision, Daniel a vu 2 cornes, c'est-à-dire les Mèdes et les Perses. La 2e corne étant plus haute que la 1ère. Peut-être qu'au moment de cette vision, le royaume de Médie constituait-il la principale menace contre Babylone. Cependant, quelques décennies plus tard, on ne parlera plus des Mèdes comme étant associés aux Perses, mais des Perses seulement, parce que la Médie sera devenue une simple province de l'immense empire perse. La prophétie se sera donc réalisée à la lettre. La 2e corne du bélier, apparue la dernière, se sera élevée plus haut que la 1ère, et tout le monde antique se sera incliné devant cette nouvelle puissance. Comme Daniel l'a annoncé, chapitre 8, verset 4, « Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au Septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. » L'Occident, le Septentrion et le Midi, les 3 grands axes des conquêtes militaires des Perses. En d'autres termes, la Babylonie, l'Asie mineure et l'Égypte, conquises l'une après l'autre par Cyrus Ier, le grand empereur perse, dont la Bible parle à diverses reprises. Vous vous en souvenez peut-être, l'empire des Mèdes et des Perses avait déjà été présenté à Daniel dans le songe du chapitre 7, sous les traits d'un ours qui avait 3 côtes dans sa gueule. 3 côtes, donc des conquêtes militaires en 3 directions précises. Effectivement, en une génération, les empereurs perses ont établi leur souveraineté sur le monde antique, de la Grèce à l'Inde. Et personne n'a pu leur résister. Personne n'a pu résister aux Perses jusqu'à Alexandre le Grand, 2 siècles plus tard. C'est exactement ce que Dieu a voulu révéler à Daniel, chapitre 8, versets 5 à 7. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Dès l'an 334, Alexandre le Grand, la grande corne du bouc, inflige une série de défaites écrasantes à l'Empire perse. En quelques années, toutes les capitales des provinces de l'Empire tombent entre ses mains. Sardes, Ecbatane, Suse, Pasergadès et enfin Persépolis, la résidence impériale de l'époque. Cependant, alors qu'Alexandre le Grand s'apprête à reconstruire Babylone pour en faire sa capitale, les fièvres le terrassent et il meurt à l'âge de 33 ans, abandonnant son immense empire entre les mains de ses quatre généraux, exactement comme Daniel l'a annoncé. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour le remplacer aux quatre vents des cieux. Daniel 8, verset 8. Nous l'avons dit précédemment. Cassandre s'attribua à la Macédoine, Lysimaque l'Asie mineure, Ptolémée l'Égypte et Séleucus la Syrie. La Syrie englobait à cette époque la Palestine. C'est donc la Syrie et la dynastie des Séleucides qui intéresseront de premier chef Daniel. Aussi, lisons-nous au verset 9, au sujet des cornes du bouc. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Le plus beau des pays, c'est pour Daniel la Palestine. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais relever une caractéristique littéraire du livre de Daniel. Alors que le premier chapitre a été primitivement écrit en hébreu, les chapitres 2 à 7 ont été rédigés originellement en araméen, la langue des Chaldéens. Cela se comprend, parce que les événements de ces chapitres se déroulaient à Babylone et que Dieu voulait que ce message soit compris des Chaldéens à qui il était destiné. Au chapitre 7, toujours écrit en araméen, Daniel a annoncé un bouleversement international qui s'étend à tout le monde antique, une révélation encore destinée à l'ensemble des hommes. Mais dès le chapitre 8 et jusqu'à la fin du chapitre 12, Daniel écrit en hébreu. C'est qu'il s'adresse en priorité à son propre peuple pour lui annoncer le sort qui l'attend. La corne qui, selon Daniel chapitre 8 verset 9, s'agrandit vers l'Orient et le Midi, puis vers le plus beau des pays, ce sont les rois séleucides. Partis du nord, de leur capitale Séleucie, près d'Antioche, ils ont envahi la Babylonie, l'Égypte, puis ils ont imposé leur joug aux Juifs de Palestine. Un de ces rois, Antiochus Épiphane, fera pire que tous ses prédécesseurs. Pour marquer son mépris de Dieu et de la religion juive, il ira jusqu'à offrir une truie sur l'autel des sacrifices. Acte abominable qui ne pourra rester impuni. Les juifs pieux réagiront violemment. Ils chasseront Antiochus et rétabliront le culte à l'Éternel dans le temple de Jérusalem, et cela au prix de leur sang. L'histoire a retenu ce mouvement héroïque sous le nom de révolte des Maccabées. Autour de l'an 540, Daniel a donc eu révélation d'un drame qui s'est déroulé 370 ans plus tard. Ce sont les versets 10 à 14, toujours au chapitre 8, qui en parlent. Nous en citons quelques extraits. La petite corne, donc Antiochus Épiphane, s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Un saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ces 2300 soirs et matins correspondent aux 6 années et demie pendant lesquelles Antiochus Épiphane occupa Jérusalem et interdit aux Juifs d'exercer leur culte, soit de l'an 171 à l'an 165 avant Jésus-Christ. Une fois de plus, la prophétie était devenue histoire. Et l'exactitude de cette prédiction ne peut s'expliquer que par le rôle déterminant du Saint-Esprit sur l'esprit de Daniel. Cependant, au-delà de cet événement, le Saint-Esprit en a vu un autre, d'une amplitude supérieure encore, un événement plus lointain sur le plan chronologique, mais dont l'impact s'étendra à la terre entière. Oui, cette petite corne qui s'élève jusqu'à l'armée des cieux et jette la vérité par terre, ne préfigure pas seulement Antiochus Épiphane au IIe siècle avant l'ère chrétienne, mais l'Antéchrist, l'adversaire de Dieu, celui qui va bientôt régner sur la planète Terre. Sous peu, il unira les nations dans la révolte contre le ciel. La Bible nous en avertit, et ce ne sera pas de trop d'y consacrer une émission lorsque nous reprendrons ce chapitre. Mais aujourd'hui, il ne me reste que quelques secondes, chers auditeurs, juste le temps de vous poser une question primordiale. Si les prophéties de Daniel dans le passé se sont accomplies à la lettre, ne pensez-vous pas que ces prédictions pour nos temps et pour le prochain avenir se réaliseront avec la même précision? Alors, laissez les saintes écritures vous avertir des temps qui viennent. Conformez votre vie au message que la Bible vous apporte pour aujourd'hui. Et lisez la Bible, revenez à la Bible, étudiez la Bible, répandez la Bible. Le monde en a besoin plus que jamais aujourd'hui.